Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hind en Brezonnik en tel per an 6 à Triugen, 467. Oui. Henri, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui d'un mot emblématique que j'ai pas encore traité, qui est le mot coiffe. La coiffe. Coiffe. Ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment, s'il y a un mot emblématique, c'est celui-là. Hein. C'est un symbole de la féminité en Bretagne. Hein, et voilà. Et puis de la Bretagne tout court. Alors qu'en fait les coiffes, des coiffes, il y en avait dans toutes les provinces, hein, et dans tous les petits terroirs, il y avait des coiffes. Hein, et surtout, ça s'est développé au 19e siècle. Hein, quand on voit à partir du 19e siècle, quoi, puisque auparavant, quand on regarde les gravures d'époque, les coiffes étaient à peu près identiques un peu partout en France, en fait. Et c'est après le 18e siècle qu'il y a eu une différenciation des coiffes. Mais en Bretagne, elles sont restées beaucoup plus longtemps qu'ailleurs, donc elles sont devenues emblématiques de la Bretagne. C'est un peu comme la cornemuse. Enfin, le biniou, hein. Biniou bras et biniou cause, hein. La cornemuse, elle existait dans toute l'Europe, hein, un peu partout. Et elle a subsisté dans certains endroits, comme en Écosse ou en Bretagne. Et en fait, c'est devenu un symbole. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'instrument de la musique bretonne. En fait, pas plus qu'un autre. Mais c'est le fait que ça soit resté plus longtemps. Le biniou est devenu emblématique. Voilà. Alors, la coiffe, c'est la même chose. Hein, c'est devenu emblématique. Alors, en gallo, le mot est... Alors, en gallo et en breton, c'est venu du français. Hein, ça a donné coiffe. Hoef en breton et coef en gallo. Alors ce qui est amusant, c'est que en gallo c'est le mot qui désigne la femme aussi. Ah oh, d'accord. Oui, la coef. Hein, quand on parle par exemple d'un le mari et on parle de sa coef. Oh c'est trop ouais. Beau ça. Sa... Quelle horreur. Ouais, sa coef, oui. Dans les articles de Daniel Giraudon par exemple, je lisais encore celui de cette semaine. Où il parle d'une femme, hein, et donc une coiffe. Donc c'est vraiment très emblématique, là. Et dans les contes en gallo, il faut savoir que la coiffe, c'est la femme. Voilà. Donc elle est assimilée. Ce qui prouve que le couvre-chef est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'avais parlé du mot toque, hein, pour les hommes, c'est un toque. Et c'est vraiment emblématique aussi, quoi, hein. Puisque l'homme porte le chapeau, hein. Et d'ailleurs, quand les femmes du pays ici ont commencé à porter des chapeaux, on disait « Ede intok ». La femme est partie en chapeau. Et c'était pas, au départ, c'était quelque chose de, c'était mal vu, hein, par les anciennes femmes. Je sais que ma grand-mère, quand elle disait ça, qu'une femme était passée au chapeau, quoi, c'était pas un compliment, quoi. Hein. Même un tout petit chapeau mignon, là. Oui, mais bon, c'était aussi un symbole du rejet de la culture locale, hein, bon, bien sûr. Et donc, beaucoup de femmes, d'ailleurs, ont tenu à garder leur coiffe. Il y avait même des femmes qui portaient la coiffe tous les jours. Je me souviens d'une dame à Calac, hein, qui tenait un bistrot, Madame Faircoq, là, qui portait la coiffe tous les jours, hein. Alors à la campagne, on portait pas la coiffe tous les jours, puisque pour travailler, c'est quand même pas très facile. Hein. On portait un petit bonnet noir, quoi. Ouais, un petit bonnet, oui. Un coiffon, hein. Un coiffon. Voilà. Alors en breton, le mot est masculin. Le mot coiffe est masculin en breton. Donc coiffe, ça donne un coiffe avec l'article. Hein. Voilà. Alors oui, je disais le couvre-chef, c'est quelque chose de très important, hein, dans toutes les civilisations. Hein. Puisque, par exemple, les dignitaires civils et religieux se reconnaissent à leur couvre-chef. Hein. Quand on pense au pape, par exemple, hein, qui porte la tiare, la triple couronne. Hein. Alors, c'est la tiare, c'est un mot... Une tiare, en breton, C'est un mot qui vient du perse, en fait. Hein. Tiara, hein, qui est passé par le latin, mais c'est un mot persan. D'ailleurs, que le même mot que mitre, hein, qui est le chapeau de le chapeau, si l'on peut dire, de l'évêque, quoi. Alors revenons un petit peu à la coiffe. Hein. Donc j'ai dit au Moyen Âge, les coiffes étaient relativement peu différenciées, et c'est à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle qu'on a obtenu des formes très variées. Et il y avait des coiffes de terroir, des coiffes qui se différenciaient aussi selon la situation sociale. C'était hein, et des coiffes de métier aussi. Hein, par exemple, les sardinières, enfin des choses comme ça. Donc c'était une sorte de carte d'identité visible selon la coiffe qu'on portait, quoi. Et c'était par exemple ici, par exemple dans le à Pemrit ici, les femmes portaient la coiffe de tréguier, la toukena, ou la coiffe loscoeta avec les deux queues sur les côtés. Sur les côtés, oui. Mais des fois, il y avait entre les vieilles femmes et les jeunes femmes une différence. Les jeunes femmes portaient les queues à l'arrière, rejetées vers l'arrière, bien amidonnées, tandis que les femmes plus âgées souvent portaient les deux queues sur le devant. D'accord. Donc c'est. Mais on est dans le Trégor ici alors. Ben non, on est en Cornouailles, mais la coiffe c'était la coiffe du Trégor. C'est une particularité. Elle avait la coiffe du Trégor, c'était étendue jusqu'ici. Par contre, à Trémargat, il y avait les deux. La frontière était à Trémargat. Donc il y avait la coiffe du Trégor et puis la petite coiffe ficelle. Alors la coiffe ficelle était beaucoup moins imposante. Mais c'est joli aussi. Mais par contre, les robes étaient très belles. Hein, les robes en velours noir avec un col en dentelle. Hein. C'était plutôt sur le reste du costume que se portait la différence. Et puis alors, il y a beaucoup de coiffes hein, en Bretagne. On est arrivé à l'époque de la disparition, hein, à part le revival des cercles celtiques, mais autrement, la coiffe a disparu. Hein. Quand on voit les photos de mariage, on voit que, bon, il y a encore pas très longtemps, il y avait encore des coiffes dans les mariages, hein, des coiffes des personnes âgées, quoi. Et alors il y a des gens qui ont fait des collections de photos, hein, par exemple les Soyer, hein, Michel et Nicole ont une collection de photos extraordinaire sur les dernières coiffes de chaque terroir. Portées, oui. Les dernières coiffes portées, oui. Et il y a un livre qui vient de paraître aussi sur les coiffes de Bretagne par Yves Guédon, là. Donc là, qui est un peu une encyclopédie des coiffes de Bretagne, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a une expo à Pont-l'Abbé aussi. Alors, oui, c'est pas Yves Guédon, c'est Frégé. Oui, Frégé, oui. Alors, c'est, oui. Il y a une exposition, mais qui est à Guingamp et à Saint-Brieuc aussi. Donc, oui, il y a, en ce moment, il y a plein mal de choses sur les coiffes. Hein. Et puis, il y a le symbole de la coiffe Bigouden, hein, bien sûr, hein, qui est devenue vraiment la coiffe emblématique. Hein. Et qui, elle aussi, a évolué beaucoup. Hein. Elle est montée en hauteur, en particulier entre les deux guerres mondiales. Et puis bon, il y a eu des réunions des dernières bigoudaines qui portaient la coiffe, tout ça quoi. Donc voilà, rouef, la coiffe, et alors pluriel, coiffou. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On en reste là, on passe à Brézonnec Tamatam. Thank you. C'est l'époque des trois archipelagos, et les trois archipelagos, ça se passe aussi à Zantoluk. Il y a une date à Zantoluk chaque année, et c'est pour ça que dans le dialogue de Hentar Brezhonek, aujourd'hui, Chanik va à la rencontre de Job. Alors, qui est Job, Henri? Alors, Job Nedelec, c'est l'instituteur en retraite qui est président de l'association Bleu New Zantoluk, et là, qui organise cette année un trois archipelagos. Alors, c'est un mardi, c'est pas comme le trois archipelagos classique, qui est un jeudi. Ici, c'est un mardi. Salut Job. Clévet meus vos grêtes prestrict trois archipelagos, chapelles en terne et kérisel. Ya chanik ben des meurs vos grêtes, a gen drazis au hoset gant strolat blenius an tolek, a gant tud bugal et skol. A petra vos grêtes nang. De diantor valéad en tro dro de zan tolek, de der ar waler mern, war ole hanter. Ole hanter? Ya ole hanter zera, roer kilomen makarit. Ur valeaden se e gasso un dut re gwinogin ou ur baouz. Aba milin kier bakal, e vo evet o bor. Oa l'er valeaden, e vo brezegen gant ni wan un du, e tro ou person, ni war ben istor e chapel hag istor ur vro. A oa l'er ze vo evet o bor. Roaz? Ya, med e va chou skan, e balkol evel just. A oa l'er, e halo un dut debri war e blasen, trog deus e vro evel just. A goude, vo a zonadek, ba chapel zonern, gant kanerien a zonerien de zevro, a goude ze ma ve bra an amzer vo gret un tam fez nons. Ma tre job, chans vat d'or, gant an amzer. Ya, merci a Tienor Vegel, Chanik. Keno. On reprend phrase à phrase ce dialogue entre Chanik et Job pour trois archipelagos à Zantoluk. Salut Job, clévet meus vo gret prestik, trois archipelagos, chapel zantern. Et Kérisel. Voilà, bonjour Job. J'ai entendu dire que bientôt il y aura Trouer Chapeliou à la chapelle de Saint-Hernin à Kérisel. Ya, Bendimers, au ton de Vaugrette. Bendimers au ton de Vaugrette. Oui, donc mardi qui vient, mardi prochain, Bendimers au ton de Vaugrette, ce sera fait. Os aider Andrazé, Gan Blenius Antolek à Gan Tutbugale Air School. Voilà, c'est organisé par l'association Blenius Antolek. Et par les parents d'élèves de l'école. À Petra Vaugrette, né. Et qu'est-ce qui va être fait, oui? De Gentan Arval et Aden Trodro Zantoluk. D'abord une promenade autour de Zantoluk. De Derer Warler Christé Warlanter. Alors à 3h de l'après-midi, donc une promenade sur une lieue et demie. Léanter? Une lieue et demie? C'est comme ça, c'est lait, Henri? Alors lait, oui, parce que bon, c'est plus une mesure tellement utilisée dans la vie courante. Pas trop, non. Enfin, sauf pour les bottes de 7 lieues, mais. Ya, yeah, per 4 kilomètres, ma carite. Oui, donc ça fait 6 kilomètres, puisqu'une lieue, c'est 4 kilomètres. Alors, Valé Adenze, à Gazondut, ou à Venogénou, à Barous. Voilà, cette promenade emmènera les gens sur les sentiers de la commune. Ah, bah, Miline Carmarcal et vos Évetterbord. Et au moulin de Kermakal, on boira un coup. Voir l'air en Valé Aden et voir Brézégen en Iwanandu. Alors après la promenade, il y aura une conférence, une causerie, par Iwanandu, donc le recteur. D'Iwarben, histoire chapelle, ag histoire vro. Au sujet de l'histoire de la chapelle et de l'histoire du pays, bien sûr, parce que ça ira plus loin que l'histoire de la chapelle. Voir l'air zé et vos évêts d'Arbor. Et ensuite, on boira un coup. Rois. Encore, Ya, mais Eva joue scan, Eva alcool, Eva joue fresque. Oui, mais des boissons légères, sans alcool, des boissons fraîches. À Warler, au Halo Andut, Dibri, Warablasen, boîte de Zervro, Evel Just. Oui, et ensuite, donc, les gens pourront manger sur place, boîte de Zervro, des spécialités du pays, quoi. À Warler, à Goudézé, et voir Zona Adek, chapelle Zander. Et ensuite, il y aura un concert dans la chapelle Saint-Herne. Quand Eurienne, à Zonerienne de Zervro. Avec des chanteurs et des sonneurs du pays. À Goudézé, m'avez bras en Amzer, vous grêtes Fesnons Bien. Et après, s'il fait beau, on fera un petit Fesnons. Ma très job, chance va d'or, Gon en Amzer. Oui, bonne chance avec le temps. Voilà, bientôt, tout de suite, dans un tout petit instant, Petra, Zone et Vervro, troisième et dernière partie de Hentar Brezhonek. Petrazone-Vervaux. Avec Henri Le Naou, on prend des nouvelles du pays. Eri, Petrazone-Vervaux. Calzadro et Veljus, Bouervé, Jiouzon. Krogum de Dienton et Velkis, Acustum. Gandela, Bourdouar, Agavu et Warharmes. Arion, Brément, Badnan. Déjà, Zobetro, Rewen, Calzevouen, Warharmesiou. Adon de Rey, Prestig, Mar et Nest. Wardachenela, Bourdouar, Drevras et Diez, Entrou. Coulzevide, Higzout. Vidmar, Ademor, Amamus, Videles. Pudur et Disken, et Priseles, Bouéfino, Rotayou. C'est us obé de manifestad au direct stalio bras, gand labourer yen douar, fulore do velet, nen que de vid gond ido buetchin, gand o labour. Alice peve comes de ze labour douar war ar bit, eve comes de zmara de nat. Nat evel just de zo e bouis, pe a grand ma peswant. Kalzer hans vezer at gand brovrans war ze, pudur tient tant broe, vid marad nod war ur bet. Hag un nod gwerz en lerel, digaz evel just kalzer an de brovrans. Pe son dravad vid kempouez ur mahajou, balance commerciale in galag. Neveso, oa bazambri, ak salon ze labour douar vid département, odou en arvor, en terali vel vel ar de se. Hag zo bekal ze dud l'ar meze deja. A bremañ ve komze deja de ze spas, zo vid breiz e bez, hein, vo bar roazon ba, hanter mis gwen golo. Hag blan, warland e oa bet kant mil e dud ba spaz, ba roazon, hag jonge el ragn kard mur e dud oaz blan me. Hag blan me vo diskwez et, pudur ve un tem be pla, vo diskwez et kalz et rau di war ben ur bin viu niverel. Kom ze rand vizhen amzor de spes vegret, evid implij de restajou oar l'or bourdouar, venin plie de ma ve moyen vidor ezen metan pelarin mat a repa les evel mimpel kan zavadur e vidor gaz metan roger blad au vil ugen met Stéphane Orfol zo ministre la Bourdoua ne zan zav neske gwal belzo e vo diez tiz ou d'orpal ka hud un di neske de brovrans met dou han zavadur e vidor ezen metan. A gansé, vous rêvez, mon, warog, quand, nafars. Dans mon temps, moi, d'air, ou alors, war un tache, un endro, vraiment. Nevesos, au bédim bande, quand leur pape fanche, au liseur keller, pévelard, zé, présent, galak velard, une encyclique, war un endro, leur bla, triver à triugen, ou abé de zo hand, vet tremenet, Jean-Paul Dow, ni war hand, vet zand fanche, patron d'un écologiste. Guiré ou Jean de Fanche assise, hein, on d'une toast de nature. Hein. Aziz aux causes, leur pape zo vraiment ne stappe de nonze, pape Fanche. Ag babla douze gatrugen ou abé de tientan emvaud ou ar nendro ou ar arbit ou abé Stockholm, ugenlar og emvaud Rio. Ag tam à tam, hawar og ur menos ou ar an dachenze. Mais des Veljus n'est que bras derrière un monde waro, plus dur, bonnes ocales, scoyo, hein. Vejam namzer, gontandar, de ze louseyer chimique, d'asquer, bah, villar ou non prévende, de ve implige d'alise, louseyer chimique, d'asquer, pyrotrénoïde. À deux oreilles, ou à bélar, et douane dix anges. Mais de, studia d'un zo bégret, ne vaisseau, gant un inserm, zo baroison, à nez, disquise de ou valtré ménéphine ou pyrétrénoïde vière de vigale. Ag gouskoude ve implige de calz, hein, pyrétrénoïde villar ou nan prévendet, mames barzen tir, ag l'erhel, mais mames ba tir en dune. Ou ar mames tachen, man un round-up, ma trezen peus gwell tout un tabu zo bet gant zi, hein, a gant ministre ez un endro, bon, là, zo bet de vos divennes de, temps matin, me round-up, hein, plus dur, pesobars, glyphosate, zo valtré, évidor hier, hein. Mais de, bon, stall Monsanto, nous, hygiène de round-up, puis glyphosate, bon, peut-être, dientan, zo crée, un équesur, vos galles de harzé. Dans vraiment, wardash, un zévena du revro. Les vaisseaux au bédine bande gagnant guédon, batico braise, or pèse lever ou ar coiffou ar vro. Yves Guédon, zo den hag zo bet labourat de diant an vid mirdi ur bigi ba douar nenez, a oa l'er ba gazetan chas mare hag ur men. Hag dao vil deg ni oa nim bande do lever oa kostum de Bretagne. Hag lever ze neus disket kal ze drao an den dut, a bremañ zo gred ur lever war ur c'hwefou. Hag ve komz eus tout ur c'hwefou zo bet, ba pem departement breiz, pet tiantor war breiz bez gant ur pem departement. Hag bon zo lever bouez evit ur anaud ur c'hwefou ur breiz. Ne vezo eet nan an Jean-Yves Cozan, hag ur politikour zo hanber an avet mat, bavro, hag un denze o a tom de zevro, a de ze zevenad ur breiz, hag un labour e kal zevel just evit zevenad ur breiz. Hag peso raltre meske politikourien, pudur ka etout de politikourien, zo tro gant jacobinerez. A labour neuz zevel just, evit kaz oa rang un traub, dern lar e oa deputé diwant, hag bon grede be di obidou ba ilis veur kemper, a oa l'air ebe kaz de ene zeu sa. Ba pedur oa bro de ze ene zeu sa. Ya fin tu zoar meus bet pe meus klev a tout d'un dut kan o melo di de Jean-Yves Cozan vitra oa ne ran kudo hanan. Mais bon, disement, ur politikeur, y en a. Babro ur mene, ur gevredig ez lorart, de spar ouz lorenan, neus lid di ugen vla, ne veso, hag ur strolat zeur a kalz draou, ban un tamp bar ouz vel lorenan, evit zevenadur. Hag zevenadur a bep sort draou, pe de vegante tud d'or prezegen ou ar kalz draou. Hag zezo un tamp ur skweren de spesso moyen d'or, ba no bar ouz vin. Ba zan e ganton vo digor et ba miz est, un tipou pigou, vid l'er vo komz et un tamm brezondek, pas brezondek d'Hermann, mais un tamm brezondek, a Peter Blar zo labour a denan, an vo raunet ze un tipou pigou vo raunet titoutouik. Titoutouik, ya. Hag bon, zezo mad lak ad un tamm brezon d'eug baskouar ne vug rale, abreit. War da chen an brezon ne oaz, kalz labour vegret gant ar gevridig ez ti ar vro, tre gar gwello, zo staie bak avant, bon, abor an kentelio brezon d'eug, ba pem zeug bar ouz beneket, a bremañ man yo hant de labourad war vid ur skolioù, vid pez vegret le en tapou, hein, da la rade la bour mez de ze Namzer School hag vid la kad un tamm brezondeg de rei un tamm brezondeg mamez de vugal e de heuyan ke de ur las de ouye seg da skwer. Un tapou. Un tapou. Neologisme. Ya, un tapou, ya. Ze vegred evel just un tuel de ze Namzer School. Hag gant kevredi gezio, bon, a zezo mod lakad un tamm brezondek, mamez de potiez rev e la de monolingue, hein, potiez bugale. A diz ma trezen zerei blast e de zo brezondek, a c'hoant de dont vont pelor waler. War da chen en archeologiez, zo bedim ban un evezo gant kop breiz, lever war archeologiez ba kreiz breiz. Hag pemzeg den eus labouret evit zevel leverzeg. Pe gomzin de zevenad ur roaz, triblasso vegred kreiz breiz, pez velart chant d'expression de la rede ve diskouez edo ber ou gred gant ar zourien ba ferm eo evro. Hag ze vegred vel bal kerborio ba melkarez, ba gwazbien ba trabrien, ba ruforn eo ba lokarn, ba kerna ba de karnoet, ba ker valerien eus an servez, ba ben vern eus o ive ba zan servez, hag eus zo ozet gant ur strolad ave zo haunet de la fourmi e. Hag bon zo bep sort rau, plij de, plij juz e montevel, da bep sort rau zo e gret gante, ba ferm eo evro. Hag me gaftin zo an dravat, il a kan du ton de vel, trau gret, bon bep sort jonge o ve gret warze, mais plij juz e. Comme je vais déjà de ce de ze gwelius ou bevro pas de nan, bon da skoer e vel just, ben dan out boul vriag, peut dur daugen lasso a bekrou de gwel vro plin, gwel plin, ba man an nelor ba boul vriag, a bremen man pelzo ba ben dan out a gaz vo kalze dud a kalze blijadur. Bon, ben, hendel zo gwel zan loup e vel just, gwel un dans fils el ba fin ar misest, oz et gant ar fils el eres, gant strolad ar fils el eres. Al ba a gwel kant ar vart el odet vo ba pempoul. A kalz gwel yo el evel just. Ur vegel, moa komp ze tar de zo lever oa be skriv gant Gilles de Pontavis, petan man zin un eus Gilles de Janzé, war dachen istor len gwerledan, a bremañ zo begret un tamm levrig bien or, med gant Benoît Evano a Jean-Pierre le Denmat, war mam stachen, hag quand la vallée devint bleu. Hag zezo me moulet ne vesso avec avat ba ofiso un touriste de ban département. Hag vide chui parg meldron roazon vo haunet roazon park. Gwellor vije bet par roazon me bon ne ke fal me mestra la ka don tamm brezon vide parg meldron ba roazon. A setu bon, setu un tamm de spesonne ve bavro. Keno eri. Ya, tinon, organ.